celui-là même à qui, le matin, Cernine avait donné des ordres au sujet de Gérard Beaupré. « Il est toujours là ?» demanda le prince. « Oui. La corde ? Le nœud est fait. Il n'a pas reçu le télégramme qu'il espérait ? Le voici. Je l'ai intercepté. » Cernine saisit le papier bleu et lut. « Bigre ! » dit-il avec satisfaction. « Il était temps. On lui annonçait pour demain un billet de 1000 francs. Allons, le sort me favorise. Minuit moins un quart. Dans un quart d'heure, le pauvre diable s'élancera dans l'éternité. Conduis-moi, Philippe. Reste là, docteur. » Le garçon prit la bougie. Ils montèrent au troisième étage et suivirent, en marchant sur la pointe des pieds, un corridor bas et puant, garni de mansardes, et qui aboutissait à un escalier de bois où moisissaient les vestiges d'un tapis. « Personne ne pourra m'entendre ?» demanda Cernine. « Personne. Les deux chambres sont isolées. Mais ne vous trompez pas, il est dans celle de gauche. Bien, maintenant, redescends. À minuit, le docteur, Octave et toi, vous apporterez l'individu, là où nous sommes, et vous attendrez. » L'escalier de bois avait 10 marches que le prince gravit avec des précautions infinies. En haut, un palier et 2 portes. Il fallut 50 minutes à Cernine pour ouvrir celle de droite, sans qu'un grincement rompît le silence. Une lumière luisait dans l'ombre de la pièce. À tâtons, pour ne pas heurter une des chaises, il se dirigea vers cette lumière. Elle provenait de la chambre voisine et filtrait à travers une porte vitrée que recouvrait un lambeau de tenture. Le prince écarta ce lambeau. Les carreaux étaient dépolis mais abîmés, rayés par endroits, de sorte que, en appliquant un œil, on pouvait voir aisément tout ce qui se passait dans l'autre pièce. Un homme s'y trouvait, qu'il aperçut de face, assis devant une table. C'était le poète Gérard Beaupré. Il écrivait à la clarté d'une bougie. Au-dessus de lui pendait une corde qui était attachée à un crochet fixé dans le plafond. À l'extrémité inférieure de la corde, un nœud coulant s'arrondissait. Un coup léger tinta à une horloge de la ville. « Minuit moins 5 !» pensa Cernine. « Encore 5 minutes !» Le jeune homme écrivait toujours. Au bout d'un instant, il déposa sa plume, mit en ordre les 10 ou 12 feuillets de papier qu'il avait noircis d'encre et se mit à les relire. Cette lecture ne parut pas lui plaire, car une expression de mécontentement passa sur son visage. Il déchira son manuscrit et en brûla les morceaux à la flamme de la bougie. Puis, d'une main fiévreuse, il traça quelques mots sur une feuille blanche, signa brutalement et se leva. Mais, ayant aperçu à 10 pouces au-dessus de sa tête la corde, il se rassit d'un coup avec un grand frisson d'épouvante. Cernine voyait distinctement sa pâle figure, ses joues maigres contre lesquelles il serrait ses poings crispés. Une larme coula, une seule, lente et désolée. Les yeux fixaient le vide, des yeux effrayants de tristesse, et qui semblaient voir déjà le redoutable néant. Et c'était une figure si jeune, des joues si tendres encore, que ne rayait la cicatrice d'aucune ride, et des yeux bleus, d'un bleu de ciel oriental. Minuit. Les 12 coups tragiques de minuit, auxquels tant de désespérés ont accroché la dernière seconde de leur existence. Au 12e, il se dressa de nouveau, et, bravement cette fois sans trembler, regarda la corde sinistre. Il essaya même un sourire, pauvre sourire, lamentable grimace du condamné que la mort a déjà saisi. Rapidement, il monta sur la chaise et prit la corde d'une main. Un instant, il resta là, immobile. Non point qu'il hésitât au moins cas de courage, mais c'était l'instant suprême, la minute de grâce que l'on s'accorde avant le geste fatal. Il contempla la chambre infâme où le mauvais destin l'avait acculé, l'affreux papier des murs, le lit misérable. Sur la table, pas un livre, tout avait été vendu, pas une photographie, pas une enveloppe de lettres. Il n'avait plus ni père, ni mère, plus de famille. Qu'est-ce qui le rattachait à l'existence ? D'un mouvement brusque, il engagea sa tête dans le nœud coulant et tira sur la corde jusqu'à ce que le nœud lui serra bien le cou. Et, des 2 pieds renversant la chaise, il sauta dans le vide. Section 5. 10 secondes. 20 secondes s'écoulèrent. 20 secondes. Formidable, éternel. Le corps avait eu 2 ou 3 convulsions. Les jambes avaient instinctivement cherché un point d'appui. Plus rien maintenant ne bougeait. Quelques secondes encore. La petite porte vitrée s'ouvrit. Cernine entra. Sans la moindre hâte, il saisit la feuille de papier où le jeune homme avait apposé sa signature et il lut. « Las de la vie, malade, sans argent, sans espoir, je me tue, qu'on n'accuse personne de ma mort. 30 avril, Gérard Beaupré. » Il remit la feuille sur la table, bien en vue, approcha la chaise et la posa sous les pieds du jeune homme. Lui-même, il escalada la table et,